ça se fume. S'il te plaît, réponds-moi. Jasmine, c'est pas ça sérieux. C'est pas ta pute. Réponds-moi tout ce que je te demande, s'il te plaît. Je suis en bas de chez toi, ça fait 13 heures que je suis là. Jasmine, sérieux. Réponds-moi, s'il te plaît. De toute façon, je te jure, c'est le dernier message que j'ai sur ton putain de répondeur, ma mère. Sur la vie de ma mère. J'ai encore rêvé de toi, je l'avais bien dur dès le matin. Je voulais te la mettre dans le cul, tu me réclamais des câlins. Choisis tes loups boutins, j'allume mon cigare comme le parrain. La vie un film d'horreur où je veux pas être seul à la fin. On a du pain sur la planche, petite beurrette de micelle. T'es trop gentil, je vais te redescendre tes bretelles. Ton legging moulé, tes douces courbes chaloupées. Si j'ai buté des gens, c'était pour t'impressionner. Les femmes sont des objets, je les compte pas par parmi mes amis. T'es plus la même sans maquillage, pratique la polygamie. J'aime ta street cred en jogging et talons. Dans ta banane, juste un string et du pilon. Allez viens bébé, on s'en bat les couilles. On fume et en baisant ma mène, c'était à la cour. C'est toi qui crachais le mieux de toutes les raquilles. J'ai lâché le trône pour passer du temps au lit. Conduire, faire du sale pour contrer l'ennui. Ouais, t'as cru que j'étais ton ami. Je veux juste une poussie pour oublier mes soucis. Je veux pas que t'avales, je veux que tu tousses. Siffle les taxis comme des animaux. Y'aura ton nom dans ma biographie. Je fais des études de graphisme. Je veux que tu me souffles les réponses du QCM. Y'a que du sale QDS. Que du sale pour tous mes négos. Sur la vie de ma mène, j'suis foncé devant Disney Channel. J'ai mis toutes les photos de mon ex à la corbeille. Les hommes préfèrent les hyènes, ma go préfère LA à Saint-Etienne. J'suis pas seul, j'ai ma taille bou. Paye ta schneck quand j'suis rebou. Au repas de famille, j'tripote les cousines. Un jour je rappe, un jour j'taffe à l'usine. J'fais du sale pour des raisons politiques. Est-ce que j'écoute mon ange, mon démon ou ma bite? Amen. La populace a besoin de sexe. Ce monde est une grande jungle. Et je suis ce lion féroce qui vient traquer ce bon vieux gibier. Amen.